En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite, avec aujourd'hui un module conçu et réalisé par Jaime Rivera. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à une nouvelle émission de La Radio d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités très spéciaux. Comme vous le savez, l'espèce extraterrestre Tilingo est arrivée d'une autre planète il y a un peu plus d'un an. Et jusqu'à maintenant, nous n'avions pas pu communiquer avec eux. Des experts de tous les champs humains ont été envoyés au vaisseau des Tilingo. Et aujourd'hui, c'est le musicologue et compositeur Charles-François Marcel Imbert qui nous dévoile dans cet espace une très importante découverte. Avec lui, des Tilingo viennent nous parler de cet important événement dans l'histoire de notre espèce. Bonjour Charles-François. Bonjour Jacques, et merci de m'accueillir, enfin de vous accueillir. Bien sûr, et bonjour aux Tilingo aussi. C'est normal qu'ils ne répondent pas. Ils ne parlent pas de la même façon que nous. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Très bien. Dites-moi ce que vous avez découvert de votre travail avec l'espèce Tilingo et est-ce qu'on sait déjà comment communiquer avec eux ? Comme vous le savez, ça nous a pris des mois de recherche pour pouvoir établir une communication avec eux. Des experts comme moi-même, de tous les champs de sciences ou arts humains, ont été envoyés pour travailler avec les Tilingos. Et on a le plaisir de vous informer qu'on a trouvé le moyen de communiquer avec cette espèce extraterrestre. C'est super! C'est une grande première! Est-ce qu'ils ont une langue particulière, un langage? Et qu'est-ce que c'est ce petit appareil que vous avez ramené? Ah! Cet appareil, c'est un traducteur que l'on a conçu. C'était un travail et un effort d'équipe. Et justement, on a découvert que leur langue, c'est la musique. Ah! C'est intéressant! Donc, nous avons un point en commun avec eux. Et oui et non. Si on part d'un point de vue que la musique est l'art d'organiser les sons, on pourrait dire que notre art, c'est leur langage. Néanmoins, nous, en tant qu'êtres humains, donnons un aspect émotionnel ou spirituel, si vous voulez. Bien sûr, car ça parle de notre nature. Comme tous les arts, bien évidemment. Alors pour l'espèce Tilingo, l'organisation de sons constitue leur langue, mais ils ne conçoivent pas cette dimension comme nous. D'accord. Donc pour eux, il s'agit d'une organisation des sons pour pouvoir s'exprimer, mais ils n'ont pas la capacité esthétique de la juger comme nous, les terriens. C'est évidemment ça. De ce fait, on a pu concevoir un appareil qui sert de traducteur entre nous et les Tilingos. Regardez, nous allons vous montrer comment ça marche. Bonjour humain, nous sommes les Tilingos, nous sommes heureux d'être avec vous. C'est incroyable, chers auditeurs, c'est une première ici dans votre radio d'ailleurs. Et dites-moi, Charles-François, comment fait-on pour leur communiquer une phrase? Alors c'est très simple, il suffit d'allumer le traducteur, comme je viens de faire, et parler. Il enregistrera les données de votre voix et il créera ce que pour vous est une mélodie, mais pour eux, une phrase. Essayons. Bonjour et merci d'être avec nous. Dites-nous, comment vous concevez la musique? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, une telle organisation de sons? Nous ne comprenons pas votre concept de musique. Celui-ci est notre langage. C'est la façon dont nous communiquons ensemble. Nous commençons à comprendre qu'une telle organisation, pour vous, regroupe une logique, mais aussi un aspect émotionnel et spirituel dont nous n'avons pas connaissance. C'est super intéressant. Dites-moi, cher François, et si l'on prend une pièce musicale de n'importe quel style et que l'on fait écouter aux Tilingos, est-ce qu'ils vont comprendre des phrases ou... On a déjà commencé des expérimentations là-dessus. Mais les résultats ne sont pas encore tout à fait stables. D'accord. En tout cas, nous espérons qu'il y aura de plus en plus d'avance. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, chers auditeurs. Merci beaucoup, cher François, pour cette importante intervention et découverte, pas seulement pour le monde de la musique, mais pour l'histoire de l'humanité. Merci à vous, Jacques. Et merci aux Tilingos d'être venus. On espère apprendre encore plus de votre culture et votre histoire. Merci à vous et à l'espèce humaine. Nous souhaitons travailler avec vous pour la paix et l'avenir de l'univers. C'était La musique expliquée aux aliens, une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.